Les mêmes images lancinantes d'explosions, de morts, de blessés, de destruction. Gaza, une nouvelle nuit sous les bombes dans la ville de Gaza où les combats. C'est l'horreur. Je pense que c'est. Moins de 35 000 personnes ont dormi cette nuit dans des refuges temporaires. C'est un lieu sûr. Même le cimetière a été bombardé. Le monde pleure quand sa tristesse berce votre cœur. Quand l'orphelin comprend plus tard qu'il n'est pas non plus seul. Le monde pleure quand ses bombes se divisent pour tout briser. Quand ses enfants s'en sortent désormais mutilés. Trop de tristesse, mais est-ce vraiment nuisible? L'homme paraît si insensible devant ses crimes. De plus en plus, jour après jour, le monde s'enfonce. On renonce plus à sa guerre, on se perd parmi ses tentations. Le monde pleure, ses millions de victimes. Tous différents, mais notre fin sera identique. Le monde pleure, sa manière de survivre. Tout sur les tablettes du sexe, du pouvoir et du fric. Le monde pleure quand sa tristesse t'ouvre les yeux. Quand tu t'aperçois que son temps est si coûteux. Le monde pleure sa pauvreté, pays sous-développé, sa famine. C'est tout le sang qui coule qui fait les larmes du monde. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure, toutes ses familles dans la souffrance. Le monde pleure, sa délinquance, ses heures de pénitence. Les larmes coulent car on pleure pour la mort d'un proche. Les larmes sèchent mais la douleur est toujours aussi fraîche. L'avenir est si loin. Car l'être humain n'a plus l'espoir d'avancer sans bouger dans l'obscurité. Le monde pleure car sa télé nous montre ses larmes. On s'effondre comme ces deux tours de Manhattan. Tous les enfants dans les ruines, le monde est incrédible. Quel que soit l'endroit, on est tous en péril. On slalome entre la vie et la mort pour s'en sortir. Parce que les larmes du monde nous font souffrir. Le monde pleure, le dernier vol de ses 160 passagers. La terre tremble, des pays dévastés. On cesse la guerre pour mieux la recommencer. C'est tout le sang qui coule qui fait les larmes du monde. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure d'amour, de haine et de désespoir. Trop de larmes versées dans ses couloirs. Le monde pleure comme cet homme posé sur le sol. C'est comme s'apercevoir de ce qui se passe au sous-sol. Le monde pleure comme ces familles qui se détruisent. L'absence d'un père ou d'une mère ne peut que nuire. Le monde pleure mais toutes ces misères ne sont qu'ainsi. Le monde pleure car un petit feu on l'assassine. Une larme blessante, ses armes font couler le sang. Le monde pleure, sa tristesse est incessante. Je le ressens, la haine devient attendrissante. Sur la pente descendante, on erre en abondance. Pas de miracle, le monde pleure ses obstacles. C'est tout le sang qui coule, qui nous enlace. Le monde pleure, avec fierté, on essuie ses larmes. Le monde pleure, c'est tout le sang qui coule, qui fait les larmes du monde. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur, car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur. Le monde pleure, ses larmes coulent sans cesse. La sensibilité est la plus grande de ses faiblesses. Le monde a peur car l'être humain est son plus grand prédateur. Ses larmes coulent sans aucune lueur.